السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل الكلام في دراسة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Chers frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah Azza wa Jal l'étude de l'épître Les Annulatifs de l'Islam du Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. La semaine dernière, nous avons cité en introduction quelques règles concernant le takfir, le fait de juger une personne mécréante, et également concernant la nécessité d'apprendre ce sujet. Nous commençons aujourd'hui l'explication de l'épître. فَنَقُولْ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته نواقض الإسلام: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, a dit dans son épître Les Annulatifs de l'Islam: sache que les annulatifs de l'Islam sont au nombre de 10. Le premier, c'est d'attribuer des associés à Allah dans son adoration. Allah le Très-Haut a dit: en vérité, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne tout autre péché à qui il veut. Sourate An-Nisa, verset 48. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secours. Sourate Al-Ma'ida, verset 72. Dans la parole de l'auteur, « sache », c'est-à-dire « apprends » et « comprends ». Ce mot est aussi utilisé pour attirer l'attention du lecteur, et de l'étudiant en science sur ce qui va être dit. Quant à un annulatif, nous avons déjà donné la définition, c'est tout ce qui rend vain et détruit. L'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah à travers le tawhid, l'unicité, se soumettre à lui en lui obéissant, se désavouer du shirk, du polythéisme et de ses adeptes. Les annulatifs de l'islam sont donc tout ce qui annule et détruit l'islam d'une personne. La personne mécroit après avoir cru, à travers une parole, une croyance, une action ou un doute. Dans sa parole, dans la parole de l'auteur, ils sont au nombre de 10, c'est-à-dire que ce sont les plus répandus et ceux dans lesquels les gens tombent le plus souvent. Et l'auteur ne veut pas par cela restreindre les annulatifs de l'islam au nombre de 10. Et on peut retrouver les annulatifs de manière un peu plus détaillée dans les livres de jurisprudence sous les chapitres des règles concernant celui qui apostasie de sa religion. Dans la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, le premier, c'est-à-dire le premier annulatif, est le polythéisme dans l'adoration. Étant donné que la chose la plus grande et la plus importante qu'Allah nous a ordonnée est le tawhid, l'unicité d'Allah, qui est le fondement de la religion, il convient donc à chacun de connaître et d'apprendre ce qu'est le tawhid, qui est la religion de Ibrahim, alayhi salam. Allah Azza wa Jal a dit: Wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa. Qui donc aura en aversion la religion d'Ibrahim, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Verset 130, sourate Al-Baqarah. L'unicité d'Allah se divise en trois catégories. L'unicité dans la seigneurie, c'est-à-dire qu'Allah est le seul à créer, à pourvoyer, à gérer l'univers et à posséder ce qu'il s'y trouve, et il n'a aucun associé dans cela. Deuxième catégorie, l'unicité dans l'adoration, c'est-à-dire qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré et le seul qui doit être adoré sans rien lui associer, quoi que ce soit dans son adoration, que cela soit une statue, un arbre, une pierre, un saint, un ange, ni même un prophète ou messager. La troisième catégorie qui est l'unicité dans les noms et attributs, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal possède les plus beaux noms et les attributs de perfection. Croire aux noms et attributs rapportés dans le Coran et dans la Sunna authentique, sans changer le sens, sans nier le sens, sans faire de ressemblance avec sa créature et sans demander le comment. Voici de manière résumée l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Si la chose la plus grande et la plus importante qu'Allah a ordonnée est le tawhid, l'unicité d'Allah, alors il est obligatoire de connaître la chose la plus importante qu'Allah a interdite, qui est le shirk, le polythéisme, qui est le contraire du tawhid, le contraire de ce pourquoi Allah nous a créés. Allah Azza wa Jal a dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et certes, le polythéisme, le shirk, est un obstacle au but de notre création, qui est l'adoration d'Allah et la concrétisation de la servitude à Allah Azzawajal. Quant au sens ou la définition de l'adoration, comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, il a dit: Al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal al-zahirati wal batinah. Il a dit: l'adoration est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée, parmi les paroles, les actes apparents et cachés. Quant à la définition du shirk, le polythéisme, c'est le fait de donner et de vouer à autre qu'Allah une chose qui est spécifique à Allah Azzawajal, ou qui revient de droit à Allah Azzawajal. Que cette chose soit vouée dans sa seigneurie, dans son adoration ou dans ses noms et attributs. Remarquez ici que l'auteur a mentionné le shirk dans l'adoration et il n'a pas cité les autres catégories. Ceci car c'est dans ce domaine que le polythéisme est le plus fréquent. Mais en citant cela, le shirk dans l'adoration, ceci englobe également le shirk dans la seigneurie ou dans les noms et attributs. Le shirk, le polythéisme, est le plus grave des péchés et le plus grand annulatif de l'islam. Voilà pourquoi l'auteur l'a cité en premier. D'après le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, rapporté par Al-Bukhari, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ayyu dhanbi a'zam? Qal an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Al-hadith. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: quel est le péché ou le plus grand péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu donnes un associé à Allah alors qu'il t'a créé. Il faut savoir également que le shirk, le polythéisme, se divise en deux catégories. Il y a le polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam, qui annule les œuvres. Si la personne meurt dans cet état sans se repentir, il sera éternellement dans le feu et le paradis lui sera interdit. Parmi les formes de polythéisme majeur, il y a le fait d'invoquer autre qu'Allah, se prosterner pour autre qu'Allah, sacrifier pour autre qu'Allah, vouer des vœux à autre qu'Allah, espérer, avoir peur, demander le secours à autre qu'Allah dans ce qui revient de droit à Allah Azza wa Jal. Quant au polythéisme mineur, il ne fait pas sortir de l'islam. Si la personne meurt sans s'en repentir, elle ne sera pas éternellement en enfer. Mais il est très très grave et est un moyen pour tomber dans le shirk majeur, dans le polythéisme majeur. Parmi les exemples de polythéisme mineur, il y a l'ostentation dans la prière. La personne embellit sa prière lorsqu'il voit que les gens le regardent, ou fait preuve d'ostentation dans l'aumône lorsqu'il donne l'aumône aux nécessiteux. Le fait de dire qu'Allah, qu'Allah ou Azza wa Jal et toi ont voulu, c'est-à-dire Allah et toi ont voulu, ou le fait de jurer par autre qu'Allah, mais ceci à condition qu'il n'y ait pas à travers cela une glorification de ce par quoi il jure, ou qu'il ait une croyance particulière en faisant de ce par quoi il jure ou il a juré l'égal d'Allah dans ce qui revient de droit à Allah ou Azza wa Jal. Dans ce cas, cela reviendrait ou basculerait dans le polythéisme majeur. L'auteur du livre a ensuite mentionné les versets de Sourate An-Nisa et Al-Ma'ida pour montrer la gravité du polythéisme. Il a dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » En vérité, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Sourate An-Nisa, verset 48. Le noble Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala, nous dit concernant ce verset « Ceci est une preuve que le shirk est le plus pire des péchés, car Allah ne le pardonne pas, sauf si la personne se repent. Quant au péché en dessous du shirk, du polythéisme, comme la fornication, la consommation d'alcool, le vol, l'usure, tous ces péchés sont en dessous du shirk, du polythéisme. Les auteurs de ces faits sont des pervers, mais ils ne sont pas tombés dans le shirk, mais dans les grands péchés. Ces péchés diminuent leur foi, et ils sont jugés comme étant des pervers, et s'ils meurent dans cet état, sans se repentir de ses grands péchés en dehors du shirk, ils sont sous la volonté d'Allah ou Azza wa Jal. Si Allah veut, il leur pardonne en fonction de ce qu'ils possèdent comme tawhid, et si Allah veut, il les châtie pour leurs péchés. Ensuite, leur destination finale sera le paradis. Voici le plus grand annulatif, le plus grave, qui est le shirk, le polythéisme. Il convient donc aux musulmans d'apprendre ce qu'est le polythéisme, le shirk, pour pouvoir s'en prémunir. Ensuite, l'auteur du livre a dit, par la suite, وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْقَبْرِ. Il dit par la suite, parmi les exemples de polythéisme, il y a le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, comme sacrifier pour un djinn ou une tombe. Le sens du sacrifice, ou ce qui est voulu du sacrifice, c'est le fait de se rapprocher d'Allah en faisant couler le sang d'une bête. Et le fait de sacrifier pour autre qu'Allah fait partie du polythéisme majeur. D'ailleurs, le noble cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala, nous dit, l'auteur a mentionné cet exemple car c'est une chose qui est courante et les gens sont laxistes à ce sujet. Ils sacrifient pour autre qu'Allah, ils sacrifient pour les djinns, pour se préserver de leur mal, ou dans l'espoir de se préserver de leur mal. Ils sacrifient pour les djinns pour avoir la guérison. Entre parenthèses, tout ceci est à chercher et à demander à Allah Azza wa Jal. Il nous dit les gens sont laxistes dans ce domaine, alors que c'est du polythéisme majeur qui fait sortir de la religion. Le shaitan leur dit « sacrifie un mouton, sacrifie un poulet ». Ceci est facile. Et la personne ne regarde pas le polythéisme, le shirk qu'il commet. Alors que celui qui a donné en sacrifice une mouche est entré en enfer. Entre parenthèses, ici le shirk fait référence au hadith de Tariq ibn Shihab, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un homme est rentré au paradis à cause d'une mouche et un autre en enfer pour la même cause. Les compagnons demandèrent comment cela se peut-il? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: deux hommes passèrent sur leur route par un peuple qui avait une statue, une idole, et personne ne pouvait passer sans offrir un sacrifice à cette idole. Ils dirent à l'un d'entre eux, « Sacrifie quelque chose. » Il dit, « Je n'ai rien en ma possession que je puisse sacrifier. » Ils lui dirent, « Sacrifie ne serait-ce qu'une mouche. » Il s'exécuta, on lui laissa le passage, il entra alors en enfer. Ils dirent à l'autre, « Sacrifie quelque chose. » Il répondit, ou ce dernier répondit, « Je ne sacrifie rien pour autre qu'Allah, ou je ne suis pas de ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah. » Il fut alors tué avec une épée et il entra au paradis. Hadith rapporté par l'imam Ahmed. Le cheikh continue, le cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, « Ce qui est à prendre en compte n'est pas ce qui est sacrifié, mais la croyance, l'intention du cœur. La valeur de la chose sacrifiée n'est pas à prendre en compte, car celui qui a sacrifié une mouche est entré au feu à cause de cela. Les gens sont laxistes sur ce sujet afin d'atteindre leur objectif, pour au final sortir de la religion qu'Allah nous en préserve. Cette personne apostasie dans une chose qu'il pense être simple et insignifiante. » Fin de citation. Parmi les preuves qui montrent que le sacrifice est une adoration qui doit être vouée à Allah Azza wa Jal seul, Allah Azza wa Jal a dit « قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ » Dans Sourate Al-An'am, versets 162-163. Allah Azza wa Jal dit dans le sens des versets, dit « En vérité, ma salat, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé. » Il dit aussi « Subhanahu wa ta'ala » dans Sourate Al-Kawthar, verset 2 « Fasalli li rabbika wanhar » « Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également dans le hadith de Ali radiallahu anhu لعن الله من ذبح لغير الله الحديث. Allah a maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Le grand savant Abdulaziz ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit concernant le premier verset, ce verset montre que le sacrifice est une adoration et qu'elle est vouée à Allah seul et il n'est pas permis de la vouer à autre que lui. Et celui qui sacrifie pour un dîn, une statue, une tombe, est comme celui qui prie et adore autre qu'Allah, car la prière et le sacrifice sont deux adorations, et Allah a lié ces deux adorations dans le verset. Ensuite, il faut savoir que le sacrifice est de plusieurs catégories. Premièrement, il y a le sacrifice lorsque la personne mentionne le nom d'Allah lors du sacrifice et voue ce sacrifice à Allah dans son intention. Alors ceci est légiféré, ceci est le tawhid, Ceci est une grande adoration par laquelle on se rapproche d'Allah Azzawajal. Deuxièmement, la personne mentionne le nom d'Allah lors du sacrifice et voue le sacrifice à autre qu'Allah dans son intention. Ceci est du polythéisme et la viande de ce sacrifice est interdite à la consommation même s'il a mentionné le nom d'Allah. Troisième catégorie, la personne mentionne le nom d'autre qu'Allah, comme le nom d'une statue, d'une idole, d'un saint, d'un prophète, d'un ange ou autre. Et il voue également ce sacrifice à autre qu'Allah. Alors ceci est également du polythéisme et cette viande de même est interdite à la consommation. Quatrièmement, la personne mentionne le nom d'Allah lors du sacrifice, mais veut à travers ce sacrifice sa consommation de viande. Il veut à travers cela la viande. Alors ceci est permis. Mais s'il délaisse délibérément la mention du nom d'Allah lors du sacrifice, alors certains savants voient que cette viande est interdite. Cinquièmement, s'il veut à travers le sacrifice la consommation de viande, mais mentionne autre que le nom d'Allah, alors de même cette viande est interdite à la consommation. Sixièmement, s'il sacrifie pour des invités, mentionne le nom d'Allah, alors cela est permis. Et s'il cherche à se rapprocher d'Allah dans le fait d'honorer ses invités, alors il sera récompensé pour cela. Voici de manière résumée les différentes catégories de sacrifices. Nous voyons donc à travers ce point la gravité de sacrifier pour autre qu'Allah, car ceci est du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. C'est donc un annulatif de l'islam. Wal'iyadhu billah. On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver. فَنَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ. Nous arrêtons ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى, nous continuerons l'explication des annulatifs de l'islam. وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته